vraie moult incantation, v'la ma réincarnation. En maître de cérémonie, je balance à l'occasion pour faire taire l'acrimonie de sa glande allocution. Cherche pas à m'incriminer, je paierai pas la caution. 27 ans, toujours en colocation pour la monnaie de 3 plans et quelques allocations. Pas de conclusion, j'suis toujours aussi perdu. Production à profusion dans cet horizon perclu. Procédons à l'occlusion, cette opulence a besoin de ligature. C'est la pestilence et l'on vient à la caricature dans cette populace où chacun veut laisser sa signature. Telle des miniatures sous la dictature d'un Gulliver. La gueule ouverte, le cœur de verre, la peur de faire. On croise le fer, on fait le frère, opprime la sœur. Nous les poussières de l'univers, tous dans le firmament infiniment. Nous sommes infimes et finalement insignifiants aux cœurs infirmes. Je vois pas et c'est normal, je suis un homme simple et banal qui se balade comme un point sans nom au bord des gros boulevards. Parmi la masse, noyé dans son ombre, sortez vos mouchoirs. Je suis sans incident, je grandis, crois m'accomplir. Mais quand je prends la distance, je me dis à quoi bon vivre. Depuis la galaxie, je vois ma vie apathique. Je suis si ridicule, mais vaut laisser filer les choses. Qu'est-ce qui me stimule pour que rêves et idées s'exaucent? Dépité, je m'expose en bref, des rimes et des proses. Des traces de mon passage mêlant, des primes et névroses. Les traces comme des pas dans le sable s'effacent. Le vent n'attend que ça, le temps passé laisse place au fond S grave, grave. Et mon nom sur les épaisses barres de ma cage comme l'esclave est un acte vain, tel un arlequin. Bouffant intemporel, si je meurs un autre viendra demain. Me relayer dans ce rôle de petit éclat de rien.